7. Le retour à Paris. Au moment où il rentre à Paris, ce jeune homme que la vie politique va saisir, pétrir, déformer, est encore intact, droit, frais, tel ou à peu près qu'il est sorti des mains de la nature. Il respire encore l'arôme du champ paternel. Il n'a pas 30 ans. Sur un grand corps maigre, droit et lancé, une figure longue et pâle, une chevelure noire tombant en boucles abondantes jusque sur le col, un nez long, fort, busqué, se rattachant par 2 sourcils élevés comme étonnés, un front imposant et grave, une bouche charmante, pleine à la fois de volontés et de sourires, telles sont les principales lignes d'une physionomie dont la forte construction aquiline se dissimule encore sous les grâces de la jeunesse. La moustache relevée gaiement à la soldade et la royale taillée en pointe, à fines taux allongent encore cette figure triangulaire qui s'aiguise et luit dans l'éclair d'un regard court, vif, tranchant. Cet œil parle. C'est lui qui explique et unit dans une même intensité de vie et d'action ce qu'il peut y avoir de contradictoire dans ce grand corps à la fois anguleux et souple, sur ce visage froid et vif, sur cette physionomie dure et souriante. Il y a dans cet œil la clarté, la sûreté du regard poitevin. Parfois pourtant la paupière tombe et l'œil se voile des ombres épaisses qu'amasse le repliement de la réflexion intérieure. Un sourire l'égaie, une larme le mouille, avec une mobilité nerveuse, tout d'abord sincère, plus tard calculée et voulue. Pour le moment, vêtu de la robe violette, coiffé du bonnet carré, portant le large col blanc qui convient à la pâleur de son teint, la main en avant, très grande et très fine, jeune, prompt, fébrile, l'évêque d'Alençon s'avance dans la foule des inconnus du pas ferme d'un homme qui se sent parti pour les longs chemins. Il est fier de sa noblesse, des services rendus par ses aïeux, par son père. Leur souvenir n'est pas totalement perdu, il saura le faire revivre. Les grandes alliances, les amitiés ne lui manquent pas. Son père, le grand prévôt, a laissé plus d'un compagnon d'armes parmi les hommes qui entourent la régente. Son frère a déjà renoué les fils de ses anciennes relations. Du côté de sa mère, il est vrai, les alliances sont moins illustres. On ne s'en vante pas, mais on ne dédaigne pas leur utilité. Les Boutilliers, personnages insinuants, amis dès la porte, fréquentent dans le monde parlementaire. Ce sont de ces gens qui se glissent par les passages secrets, alors que les grandes portes sont closes. L'évêque député les met au service de sa fortune. Il a ainsi un pied dans les deux mondes, celui de la noblesse et celui de la haute bourgeoisie. Ce n'est pas seulement qu'il se mêle à l'un ou à l'autre de ces deux mondes, il les résume, pour ainsi dire, en sa personne. Fils d'une race de soldats, il est homme d'action. Petit-fils d'un avocat célèbre, il a le sens des lois, des affaires et de la pratique. Prêtre, évêque, il cache sous sa robe les doubles ambitions et les doubles facultés qui lui viennent de cette double origine. 3 classes, clergé, noblesse et tiers-état, divisent alors la nation française. Richelieu prend quelque chose à chacune d'elles. Il se trouve, si je puis dire, placé exactement à leur point d'intersection. Sa carrière est la résultante de leur action historique. Le hasard l'a fait naître à Paris, dans les dernières années si troublées de la monarchie des Valois. Peut-être son enfance a-t-elle gardé l'étonnement de cette journée des barricades qui chassa le roi de sa capitale et mit en péril l'unité du royaume. Son père concourt à l'avènement de la dynastie des Bourbons et crée ainsi le lien qui rattache une famille toujours fidèle à la nouvelle race des rois. Ce père meurt, la mère retourne à Richelieu, ramassant autour d'elle avec ses fils les débris d'une fortune que les révolutions ont détruite. Tout le monde souffre dans le royaume, la province où elle se réfugie plus que nulle autre. La petite famille est exposée à tous les hasards de ces temps sombres. On vit, dans ce château lointain, serrés les uns contre les autres, en proie à toutes les émotions, à toutes les terreurs, à toutes les misères privées qui suivent les malheurs publics. La guerre, la rébellion, frappent aux portes et à coups répétés, enfoncent dans ces âmes impressionnables l'horreur et la haine de la rébellion et de la guerre. La source du mal n'est pas loin, elle est à La Rochelle, à Saumur, à Loudun, c'est l'hérésie. c'est elle qui engendre l'insoumission, les luttes individuelles, le désordre. Elle est la mère funeste de tous les maux dont on souffre. L'enfant revient à Paris pour y poursuivre des études commencées dans le tumulte. À Paris, même spectacle. La honte et la désolation s'étalent jusque dans le paisible séjour des écoliers sur cette montagne Sainte-Geneviève que la guerre civile n'a pas respectée. Les esprits sont sur le qui-vive. Il semble toujours que les maux passés vont reparaître. Les anciennes inquiétudes renaissent à la moindre alerte. Pourtant, le pouvoir royal s'est ressaisi sous la direction d'un prince vaillant, habile, autoritaire. Cette enfance s'achève dans le calme et la prospérité relative des dernières années du règne de Henri IV. On avait tant souffert que le contraste grandit encore le grand roi auquel on devait ce bonheur. Il suffit de quelques années heureuses pour rendre à tous les Français cette inclination vers le pouvoir personnel qui leur est si naturelle. Le jeune adolescent recueille bientôt les premiers bénéfices des services rendus par son père à la nouvelle dynastie. Le roi le remarque, le connaît, l'appelle. Par les soins du prince, ses études sont facilitées, sa carrière est ouverte. Rome, à la demande du roi, passe sur les exigences habituelles de la hiérarchie. Henri IV fait de Richelieu un évêque, son évêque. Celui-ci retourne dans sa province. Il y attend, dans le repos laborieux des lettres, l'heure de se distinguer. Il y acquiert le premier sentiment de sa force, une première expérience des affaires. Mais le roi meurt, l'inquiétude renaît, la France est agitée de nouveau, on reparle des anciennes discordes, des anciennes rébellions si détestables. Pourtant, le lien de l'autorité royale, quoique relâché, ne se rompt pas. On peut espérer qu'il sera assez fort pour contenir les nouveaux périls menaçants. Mais il faut que tous les bons citoyens concourent à cette œuvre, qu'ils se groupent autour du pouvoir central pour maintenir à tout prix la paix civile. La province, avec son calme, son sang-froid, son discernement, s'emploie à cette œuvre. Le pouvoir royal s'appuie sur elle pour résister aux attaques de ses vieux adversaires, la haute féodalité seigneuriale et le parti huguenot. Les États vont se réunir à Paris. L'influence de la reine se fait sentir dans les élections, et ce sont les élections qui envoient à Paris tant de fidèles serviteurs de la cause royale. Richelieu est de ceux-ci, il a la conception très claire de l'œuvre qu'on allait entreprendre en commun. Ses ancêtres ont déposé en lui une tradition de loyalisme qu'ont encore développé les impressions de son enfance, son éducation classique, un voyage à Rome qui, en ouvrant son esprit, lui a donné le sentiment des intérêts supérieurs de la patrie commune. Cet ensemble de traditions, d'impressions, de préjugés même, race, famille, caste, profession, se fonde dans une personnalité qui s'achève par une longue réflexion et un grand empire sur elle-même. Intelligence et volonté, telle est en deux mots cette personnalité. Elle met un parfait équilibre des facultés au service d'une passion violente, l'ambition. Cet homme veut, il sait ce qu'il veut, il sait agir, il sait attendre. Ce Français, Français de père, de mère, de naissance, d'éducation, a le sentiment très net de ce qu'est la France. Il l'a vue au-dedans et du dehors. Il en a fait le tour, mais il sait aussi ce que la France doit à un homme comme lui. Il attend beaucoup d'elle pour lui rendre beaucoup. Ses ambitions sont exigeantes, très personnelles. Il a dans les veines le sang convoiteux des vieux chasseurs de la Brenne. Il est, comme eux, âpre à la curée. Mais ses instincts violents n'apparaissent qu'à peine. Il les surveille et ne laisse rien percer. Il s'essaie à la dissimulation et déjà il y réussit. N'ayant pas encore reçu beaucoup, il n'a pas eu le temps de se montrer ingrat. Un tempérament susceptible, orgueilleux, fourbe, que peu à peu l'âge et l'exercice du pouvoir manifesteront, ne montre encore que ses beaux côtés, l'ardeur, la finesse, la grâce souriante et serviable, le désir des grands services et l'amour de la gloire. Il est empressé, séduisant, charmant, dans la gravité ecclésiastique d'une jeunesse déjà mûre. Justement, le gouvernement d'une reine ouvre devant ce jeune homme, devant ce prêtre, la voie rapide de la faveur. Faveur actuellement prodiguée à des étrangers indignes, mais il n'est pas si difficile de les remplacer, de reprendre à un point de vue français la politique étroitement royale qui est naturellement celle des favoris. Si cette entreprise est facile à concevoir, que d'habileté, de persévérance, de prudence pour l'achever, il faut jouer un jeu si serré et si dissimulé que personne ne s'aperçoive des desseins obscurs qu'on n'ose à peine s'avouer à soi-même. L'occasion s'est offerte à Richelieu, il l'a saisie, le voilà rentré à Paris, portant en lui l'amas confus de ses aspirations, de ses projets et de ses rêves, son activité, son flair, sa souplesse sont en jeu, il hume l'air de la cour, c'est ici qu'il va falloir dompter sa propre nature, la surveiller sans cesse, il faut se faire connaître, montrer ce qu'on est et ne pas le montrer trop. Se couvrir, mais avec un visage toujours ouvert et charmant. Se taire, dissimuler, attendre, ce sont ses premiers jeux. Plaire, émouvoir, conquérir, ce sont ses premiers succès. Il se jette dans la mêlée avec une résolution contenue qui se domine jusque dans l'ardeur du combat. Comme il est adroit, comme il est prompt, comme il est beau, ce jeune et gracieux lutteur, fils de Paris, fils de la province, fils de la France, qui va paraître dans une grande assemblée, se faire écouter par les trois ordres, obtenir la confiance du premier d'entre eux, étonner la cour, fasciner une reine, s'emparer enfin du pouvoir, de ce pouvoir tant désiré qui n'est encore que le but, mais qui, une fois saisi, deviendra l'instrument. Gabriel Anoto.